Saint Vincent, priez pour nous. Dans un acte trop souvent mal mérité, des membres de CKRL peuvent se trouver par moments bousculés, peut-être même froissés par le discours de certains animateurs dont ce soir nous ne nommerons pas. Et arrêtez de tousser, vous. Et souvent, malgré nous, l'esprit nous nous arrive en pleine communication transmentale, Chantal, baisse le son, Chantal. Et sans pour autant entrer dans tous les astres et les désastres d'engagier. Saint-Vincent. C'est le groupe qu'on vient d'entendre. C'est une chanteuse, Saint-Vincent. Tu parles d'une idée qu'elle a eue, hein? À quel moment de sa vie, quand tu pars à un groupe, hein, tu dois... La première chose que tu te poses, c'est comment vais-je m'appeler? Vais-je garder le même nom que j'ai depuis ma naissance? Disons, Agathe Surprenant. Vais-je garder mon prénom d'Agathe? Et surprenant comme... Agathe est surprenant... c'est jamais surprenant. Agathe, prénom et surprenant, non. Vais-je garder tout cela? Ouh, comme Stromae, maestro, qui aujourd'hui dit mea culpa, mais je vais la bouchonner pour ne pas qu'elle coule. Lui ou là, aujourd'hui, il dit, non, moi, Stromae, maestro, je suis moi-même, un Belge. Oui, on m'a dit des descendances bréliennes. Bon. Je veux changer mon style. Je brise avec ma compagnie de disques. Là, contre shrinch. Ça, c'est des feuilles qui se déchirent. Shrinch. Méchant. Piétine sur les feuilles. Mettre peut-être le feu, histoire de rendre ce côté machiavélique de cette action en pleine effervescence. Et puis, il s'est brûlé. Il dit, j'ai pris de la vie du mauvais côté. On m'a purgé, on m'a pris comme un citron, puis on m'a pressé. Hey, innocent! T'es dans le milieu du show business, mon Stromae! Innocent, c'est moi qui te dis, là. Faut prendre les bons et les pas bons, là. Il y en a qui voudraient être comme toi, en haut de l'affiche. J'ai jamais entendu mon ami Charles Aznavour dire « Ah, là, j'étais en haut de l'affiche et j'ai tenté de tomber pour ne plus être au zénith de mon sommet, au zénith de mon intelligence. » Puis même Aznavour en pétait de la broue, en pétait un petit peu moins, là. Ah, je vais parler aux jeunes chanteurs, aux jeunes chanteuses, hein, aux créatrices, aux créateurs. Je vais leur donner vraiment ma connaissance de la musique. C'est vrai qu'il écrit des belles chansons, Charles. Non, Charles, là, puis Stromae. J'adore Stromae. Il y a deux albums, Racine Carrée, puis Carrée autour du rond. Là. C'est quoi ces deux albums? C'est Racine Carrée? Ça, c'est Pi 22, 43 dons, 22 onces, 40 onces. 40 onces, c'est assez, t'en manques pas. 12 onces, tu peux quand même. Hein, les amygdales commencent à te tremper, mais c'est pas assez. 40 ans, c'est... T'es heureux. Ou le cruchon. Hey. Ma femme m'a toujours appelé son cruchon. Elle vient le cruchon. Non, je prenais pas ça personnel. Elle aimait ça, puis elle riait mal. Elle riait. Viens-t'en, mon cruchon. Elle avait de la misère à partir, hein. C'est une tondeuse dans une autre vie, je suis sûr, moi. Mais qui partait pas. Elle n'était pas électrique, elle était au gaz parce qu'elle sentait le. Oh! Elle pétait le feu. C'est le cas de le dire, elle pétait le feu. Oh! J'avais construit. Grâce à mon beau-frère, parce que mon beau-frère, il gosse. Lui, il gosse plus sa femme, il gosse du bois. Et puis, en gossant du bois, lui, il m'a appris des tactiques fondamentales du gosseux de bois. De un, ne jamais s'arrêter de gosser. De deux, toujours visualiser l'œuvre que tu fais. De trois, vanter ce que tu fais. Tu dis, ah, c'est merveilleux. Regarde la coupe que j'ai faite de mon bois, là. Mais moi, j'ai dit, beau frère. Moi, je suis pas gêné. Beau frère, j'ai pas ton équipement, moi, là. J'ai un exacto. Puis moi, c'est le balsa. Moi, j'aime ça, le balsa, parce que c'est le jeu, le balsa. Là. Je peux m'acheter 25 planches de balsa, puis je peux t'en passer. Dans mon scooter, il n'y a pas de problème. Mais je peux pas avoir la répressée, puis des affaires dans la main. Moi, là, en plus, la répressée, c'est le paron. C'est la basse gamme du bois. Mais il y a des individus qui se sont penchés pour regarder ça. Hey, c'est beau, hein? Oui, c'est de la répressive. Là, ils ont un mal de dos à force de se pencher pour regarder ça. C'est de la répressive, la belle rip. Ah, de la belle rip, de la belle rip, de la belle rip. C'est pas à peu près ça, là. C'est pas à peu près ça, c'est calculé, puis c'est du mélange de copeaux. Connaissez-vous ça, le copeau? Copeau! C'est pas le copeau, là. C'est pas dans les années 30, là. C'est pas la mafia, là, le capot. C'est du copeau, le copeau. Quand tu scies ton... On part loin, on a le public à soir. Wow! Non, c'est la fin de l'été, là. Tout le monde est sur le copeau. Êtes-vous sur le copeau, monsieur? Oui! Êtes-vous heureux? Bon, un imbécile heureux, un autre de plus. Ah ouais, mets ça dans le pot, là, parce que j'ai toujours dit que les cornichons n'étaient pas toutes dans le pot. Mets-le dans le pot. Ferme le pot, fais ce qui va sortir. Bon, ça fait que là, t'es penché, comme le saoul. Je suis un saoul inconsolable. Mais là, tu te consoles parce que tu vois de la belle rip à terre. De la rip à terre, rip à terre. Tu ris pas terre aussi, hein? Tu te crois. T'es comme un croisé caniche Yorkshire, là. Tu te tournes à terre, tu te virevoltes comme dans le gazon, là, pour aller chercher le ver de terre, là. Mais là, c'est dans la rip. T'es content, c'est de la belle rip. La rip. Il y a des rappers, mais ça n'a rien à voir avec ça. La rip, ça vient de quand tu scies ton veau. Si t'as la chance de scier du bois dans ta vie. Y a-tu du monde qui nous écoute qui n'ont jamais scié de bois? Le plaisir d'entendre la scie, pas électrique, là, au bras, là. Hein? Ça fait pas ça de même, là, mais. Puis couper ton arbre à la hache! Il y a le chat à soir, il y a bien du monde. Oh, la hache, ouais. Non, la hache. Celle avec la lame, là. Pas celle avec le petit pipeau, puis. Hein? Non, j'ai jamais fait ça. J'ai vu ça dans un documentaire, moi. À Canal Z, à Canal B, à Canal Ch... Enfin, en tout cas, à toutes ces affaires-là. Et puis, donc, puis là, t'oses pas sélectionner la chaîne. Tu te dis, sûr, certainement, que c'est manigancé avec la GRC, avec le FBI. Puis si je s'intonise ce genre d'émission-là, ils vont savoir que c'est moi, puis ils vont arriver chez nous pour voir que j'en ai pas des affaires dans ma main. Non, mais c'est comme ça que ça marche, hein? C'est tout branché entre eux autres, là. Ils cherchent la cible pour voir si on n'est pas... On fait pas des affaires de main. Des affaires de main, là. Des affaires coches, là. Pour ça, moi, quand j'écoute des émissions XXX, 3S, là, fais attention. Ils se disent, hey, wow, je mets un codeur, un décodeur, un troubleur, puis un troubleur de fête. Troubleur de fête, c'est le gars qui danse dehors pour donner aux policiers une fausse piste. Hein? Fait qu'ils vont voir le trouble fête. Puis ils nous laissent tranquilles, nous autres, les gens qui veulent devenir sourds. Là. Et puis, non, mais on aime ça, nous autres, regardez ça. Ça nous détend le mental. L'histoire pas importante. Pas de budget, pas de linge, pas de budget. Quand il n'y a pas de linge, pas de scénario, il n'y a pas rien, il y a juste deux personnes. Plus, mais moi, je préfère deux personnes quand même. Et puis, dans la répressée, monsieur, vous avez pour l'air, la répressée. Là, vous sûr qu'il y a du monde, vous dites, hey, est-ce qu'il y a une chaîne spécialisée aujourd'hui qui peut nous inculquer la connaissance que tu vois, mon grand Rénal? Oh, Rénal Tout-Puissant, créateur de la bière et du bouchon! Mon maître brasseur, parce que je suis devenu maître brasseur depuis quelque temps. Ça fait combien de temps que je suis maître brasseur, là? Depuis le mois de mai? Mais à part ça, j'en ai parlé, hein? Si vous m'écoutez depuis le début, là, depuis le début, pas le début des rances rénadiennes, pas depuis 15 ans. Donc, ça fait 30 ans que je fais ça, en tout cas. J'ai commencé avec la crew, la Suez. Vous connaissez pas ça, hein? Parce que c'est pas le bon nom. C'est pas la bouillabaisse. J'ai commencé avec la bouillabaisse. Eh, monsieur, ça, la bouillabaisse, pas le budget non plus, hein? Ça baise. Mais c'est quoi? Scotch Hill! J'ai commencé avec une Scotch Hill. J'ai parlé la semaine dernière. Scotch Hill avec du... pas de la vodka. La semaine dernière, je me suis trompé encore. Pas de la vodka, de la syphilis. Non, c'est une autre affaire. Ça, c'est une maladie. Hein? Pas mentale, mais presque mentale. Tu sais, ça vient de la tête, puis ça descend en bas. Ça glisse. C'est comme... Oui, c'est ça. C'est un ascenseur rapide. Tu fais le grenier, puis bouf, après, t'es fini. Et puis, c'est pas du gin, c'est pas la vodka, c'est du scotch, mais polonais. Après ça, j'en ai parlé, mais je en parle. Vous écoutez, vous étiez pas là la semaine dernière. Après ça, j'ai pris une blanche. Là, c'est à la vodka que j'ai embouteillé. L'autre aussi, l'a embouteillé. Et puis, après ça, je me suis aligné, parce que on m'a offert à mon anniversaire, je radote. Est-ce que c'est de la scotch? Hein? Bon, faire jouer une chanson. M'a reluqué ce que j'ai acheté. En fait, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu à mon anniversaire. Ouais, vous vous dites, c'est souvent ta fête, mon champion. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'était plus souvent mon non-anniversaire que mon anniversaire. Et j'ai dit, l'année dernière, que je fêtais mes non-anniversaires et je restais tranquille à mon anniversaire. Alors, 364 jours par année, c'est mon non-anniversaire et on le célèbre, on fête, on débouche, on rit, on chante, on pète, on est heureux. Moi, je pète pas. Non, mais j'ai dû péter. Péter, c'est comme ça, c'est sorti de même, là. Excusez-moi. Envoyez pas de. Non. Il y en a pour se souvenir de leur. Moi, j'ai mangé une soupe aux poudres de Bertha Tremblay. Elle est bonne, mais. Quand ça parle du bas, là, j'ai embouteillé mes affaires, moi, mes vins. Quand tu débouches, ça me rappelle. Moi, ma bouteille 1983, là, c'est quand j'ai fait moi-même ma soupe au poids. J'ai rajouté, tu sais, normalement, si tu fais, non, mais regarde-moi. Regarde-moi la radio. Regarde-moi, là. Je suis à la radio. Regarde-moi. Voyons. Regarde pas à côté. C'est moi qui parle. OK? Quand, moi, j'ai fait ma soupe au poids, j'ai rajouté directement du voyons. Problème de diction. Du céréale. Directement. Parce que normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta soupe au poids, hein, tu mets ça, puis tu peux pas badigeonner, mais liquidifier, hein, placer ou mettre une larme de sirop d'érable, c'est sublime. Mais moi, sinon, c'est à même la soupe. Peux plus rien enlever après, là. C'est comme du poivre tout seul. Si tu tombes dans ta sauce à spaghetti, c'est difficile à en enlever. Facile à rajouter. Mettez moins de sel, moins de poivre. L'auditeur, la personne qui va en manger avec vous, rajoutera ce qu'il veut, lui. Intelligent, surtout si tu as des enfants. La petite Joanne, 2 ans et demi, elle me regarde et dit « Hey, voyons ta sauce à spaghetti, mais forte. » Là, je dis « Ah, ouais. » Ah, pas pour moi. Mais j'ai dit, la prochaine fois que j'en ferai, ma chérie, je ne mettrai pas de piment fort. Je les rajouterai moi-même pour moi, juste pour moi. Merci. Elle parle, tout petite, là, aujourd'hui, elle est rendue à 28 ans. Bonjour, merci. Ça tient-tu, mon affaire? Non, je dis la semaine dernière, puis là, je dis à 22. Ah, peu importe, c'est rance rénaldienne. Puis là, vous êtes curieux de savoir quelle bière que. Hein? Non, mais avant de parler de ma bière. Ouais. Est-ce que je peux vous raconter la répressée? Avec quoi c'est fait? C'est avec quand tu scies. Hein? C'est du copeaux de bois. Fait que il y a énormément de copeaux de bois qui est amalgamé avec un genre de colle. C'est une genre de colle. Parce que quand tu fais brûler ça, ça pue, plus capable de sentir ça. Mais là, ils se sont raffinés. Puis ils ont fait. Je sais pas comment ça s'appelle, parce que moi, je suis dans les bois nobles. Pas les bois de Vincennes, les bois nobles. Moi, les bois de Vincennes, c'est pas assez. Moi, c'est 50$. Je suis allé à Paris, moi, j'ai dit, je veux pas voir les bois de Vincennes. Moi, là, j'ai de l'argent. Je veux voir les bois de 20€. 20€ et plus. P+, monsieur, P+. 20, en plus, j'ai ma PayPal. 20€. Je peux-tu être avec 20 héros? Non, non. 20... Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, c'est ça l'histoire. Les bois de Vincennes, ouais, c'est ça. Ça vient de revenir. À quel endroit je peux aller visiter les bois de 20 euros? S'il te plaît, citoyen moyen. Citoyen moyen, c'est moi, l'animateur des rances rénaldiennes, non? Le plus écouté par personne, c'est moi. Oui. D'accord, oui, j'entends bien. Criez pas après moi. Je suis pas un individu venu d'ailleurs. Ben, d'ailleurs, je suis venu de Québec. Du Québec et de Québec. Ville de Québec, province de Québec. Je suis Québec 100%, moi. Moi, là, les C-O-N-L-O-D-A, je connais pas ça. Mais Q-E-B-E-C, pas de problème. Q-E-B-E-C, aucun problème. Q-U-E-B-E-C, j'en veux, j'en demande, j'en redemande. Je vais mourir là-dedans, moi, dans le Q-U-E-B-E-C. Avec des fleurs de lys, puis des chansons de Gilles Vigneault, mon pays, puis ma tortue, puis mon enfance et Passarde. Ça, c'est Brel. Ça, c'est la Belgique. Devant des ans. Pardon? Oui, oui, on passe par le d'autres intolérants. Je serais bon, hein, dans le chanteur, chanson. Hein, chanson de même, là. Ah ouais, on n'appelle pas ça des chansons de même. Non, mais on appelle ça des chansons international. Une chanson international, c'est. Voyons. Voyons, fait pas partie de la chanson, OK? C'est là que ça se gâte. Même avec l'écho, c'est... quand t'as pas de voix, tu mets de l'écho. Anciennement, on va vous dire qu'est-ce qu'ils faisaient parce qu'il n'y avait pas de réverbérateur comme nous on a là, actuellement. Ça, c'est... Et je vais juste vous dire que c'est une console vraiment de haut de gamme. De haut de gamme, c'est du Tapico, l'Atmato. Et puis, donc, il pouvait pas avoir ça, là, tu sais, tu peux ce bouton, tu peux choisir toutes tes affaires, tes jeux de mots, tes réverbérations. OK, fait que là, tu peux faire ça ici. Puis, chaque chose... Ah, ça, c'est un délai stéréo. C'est tannant. C'est très tannant. La semaine dernière aussi, j'ai joué un peu avec... J'aime ça vous présenter ça. Ça, c'est studio, version studio, mais on dirait plutôt c'est version salle de bain ou cabinet d'aisance. Errance canadienne, c'est à cabinet d'aisance. Ensuite de ça, j'ai chorus. Écoutez bien chorus. Chorus. Chorus avec moi, chorus avec moi toujours. Chorus avec moi, chorus avec moi toujours. Vive, vive, laissez-moi vivre. Pas besoin d'avoir de voix. La preuve. Vive, vive, laissez-moi vivre dans ma vie. Chorus avec moi. Corre pour une nuit. Ça, c'est chanté par Samantha Flock. Ah, ma version. On fait l'amour et on s'en vaut. On fait l'amour et puis après tout. Corre avec moi. Corre avec moi toujours. Corre avec moi. Corre avec moi toujours. Vive, vive, laisse vivre. Laisse-moi vivre ma vie. Corre avec elle. Corre. Dans la poubelle. Bon, OK, là, il y a une autre affaire ici. C'est, ça s'appelle Corbril. Et monsieur. Chorus. AF. Chorus AF. Il y a Hall. Hall. Oh, je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Ensuite, il y a. Ici. Ça, c'est traditionnel, mais on. Avec la voix, là, on dirait que puis tu peux exagérer ou diminuer. Bon, c'est comme ça. Et puis là, il n'y a pas d'intérêt, ça s'appelle The Flincher. Flinker. Fragrant Rain. Le succès. Le monde va s'acheter ces disques-là, ça n'a pas de bon sens. Et puis il y a Room. Room. Room, là, comme. Va te prendre un verre de room, pas de glace. Et room, c'est pas chambre. Chambre à coucher, c'est pas room sleep. Non, slop. Just sleep. Je veux plus rien savoir. Ensuite, il y a stade. Hey, on se dirait vraiment dans un stade, là. Hey! Oh, stage! Stage, stade. T'as l'air d'un stade, mon Raymond. Puis, spring. Oh, ça a du ressort. OK, on revient à l'écho. Donc, c'était comme un avant-goût de tout ce que ça peut donner, ce genre de truc-là. Mais à l'époque, pour faire de l'écho, on allait dans des salles de bain. Ben, oui. Puis là, on chantait, puis Fernand Gignac, quand il fait « Donnez-moi des roses », ben c'était dans une salle de bain, pas dans... Quand on apprend ça, ça fait bizarre, hein? Hein, vous êtes ému? Vous ne saviez pas? Ben, donc, tout le monde sait ça. Oh, non, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Rien de nouveau sous le chapeau, mais pour le moment, un peu de, bien sûr, pour nous relaxer le tympan, un peu de musique. Ça, on doit remercier le groupe de Pixies. Pas de Pixies, mais Pixies. Pour les amateurs. Et surtout, quand, vous savez, quand on veut faire un peu pompeux, là, on dit pour les initiés. On ne connaît pas son Pixies, mais c'est quoi Pixies? Mais c'est bon, c'est pas. Ben oui, Pixies. P-I-X-I-E-S. X-I-E-S, si vous avez oublié votre crayon, là, écrivez-vous, au pire, écrivez-moi. Là, c'est le pire du pire parce que je vais vous répondre. Je réponds à tous mes courriels. Puis normalement, quand je réponds, je ré-réponds. C'est-à-dire que si mon idée première n'était pas bonne, je vais renvoyer un autre courriel. Ça peut être assez douloureux pour la personne qui m'écrit pour la première fois. Mais c'est tout à fait intéressant parce que je communique avec mes auditeurs, mes auditrices et les autres. Alors, c'est Rénal Québec, R-A-Y-N-A-L-D. Là, vous allez vous dire, c'est qui les autres? C'est beau. Peut-être les intros, les extras, je ne sais pas. Moi, je préfère les intros, sont en dessous, mais dessus. Mais... Non, mais à un moment donné, tu peux en avoir à le bas, de te faire marcher dessus, là, ça frappe. Hé, hey, moi, je suis un éclatéliste, moi, là. T'es un éclatéliste, tu te manges dessus depuis un peu près. C'est quoi, t'as quel âge, mon grand? T'as quel âge? J'ai l'âge de mes connaissances. Oh, quand t'étais jeune, t'es même pas encore venu au monde, là. Non, mais, hey, moi, là, c'est bien beau, là. Où tu te promènes sur la terre, là? Je t'entends, puis tu marches du pied, tu marches du talon. Ça fonctionne plus, là. Je suis allé voir mon médecin souterrain, underground, monsieur underground. Le médecin underground, il y a tellement de patients, puis c'est un patient. Oui, il y a beaucoup de patients, mais il est impatient aussi. Puis quand il, dans deux minutes, là, quand il n'a pas trouvé ce que tu avais, parce qu'ici en bas, là, nous autres, on est branchés vite, hein, on se voit, on se parle. On a juste à se voir, puis on se parle pas, là, tu sais, ou en haut, vous autres, là, tu sais, « Ah, oh, bonjour, comment ça va, très cher? » Puis ça dépend, en France, on s'embrasse, ça finit plus. « Hey, wow! » On se connaît depuis belle lurette, on est content de se voir, là. On envoie la main. Allô, tu n'en as pas besoin. Allô, c'est les ondes. Hein? Quand tu mets la main vers la personne, ça envoie. Ça envoie des vibrations. Nous autres, on fonctionne aux vibrations. Vous autres, vous êtes encore loin de la vibration. Aussi. On vous voit aller, là. Puis, oh, puis, mademoiselle, on est intra. On est intra, puis vous n'êtes pas toute propre, hein? Mais quand vous mettez des mini-jupes ou des jupes, là, puis avec le string, là, nettoyez-vous avant. C'est pas très, très beau à voir, là. J'ai des images, là. J'ai mis ça sur notre site cybernétique de l'autrezone.com. Vous pouvez pas prendre ça, vous autres, parce que vous êtes en haut, hein? Nous autres, en bas, on envoie tous des messages sublirénales, puis vous êtes pas au courant, mais nous autres, on vous observe, vous savez, comme en haut, les extras aussi. Mais eux autres sont tête en l'air, comme disait Jean Quichelin. Tête en l'air, boule au feu! C'est pas ça, mais en tout cas. Et puis, non, on voit aller, puis oh là là là, mademoiselle, c'est bien beau, là. Comme disait mon ami, je la nommerai pas, parce qu'elle sera pas de bonne humeur. Le rasage, pas besoin, mais la propreté numéro un. Hein? Ben, propreté avant, puis rasage, si vous voulez, ben, on s'en balance. Là. Et parce qu'on fait juste organiser, on regarde, on vérifie, ben, on vérifie même pas. On est là, puis on vous entend. Kong, kong, kong. Plus, nous autres, on a une chanson hein, de vous autres terriens. Kong, kong, kong. J'entends frapper, je suis heureux d'apprendre que tu te donnes par terre. Hein? De monsieur, oui. Exactement, papa Pagliaro. En parlant de Pagliaro, puis j'ai fait un lien avec Higelin. Pagliaro a écrit beaucoup avec Higelin à ses débuts. Vous ne saviez pas, vous venez de l'apprendre. Et puis, donc, aujourd'hui, le dimanche 12 août 2018, 12 août, 12 août, ça fait des bisous, 12 août, hein? Oh, je te fais des bisous sur les 12 août, les 12 août, t'as 12 août! Ben, j'ai deux yeux, tant mieux, mais deux joues, hein? Non, mais c'est pas du... Non, c'est pas du joue, c'est 12 août. 12 août, 12 août, 12 août, Saint-Tropez, deux fois, c'est hein? D'abord, la même émission, deux fois de 12 août, Saint-Tropez, c'est un grand succès. Qui chante ça? À Saint-Tropez. Au Québec, c'est... comment qu'elle s'appelle? Avec ma casquette. Et... Janie Rock! Janie... Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Janie Rock. Ça ressemble à ça un peu. Et, ben, c'est pas ma génération, mais moi, je suis de toutes les générations et j'aime pas quand les gens me disent « Moi, mais j'étais pas né. » Ben, « Hey, t'es pas né. T'es pas né, là? Ben, »« Oui, je suis né, mais j'étais pas né dans ce temps-là. » Ben, hey. Ça veut dire que t'es un lâche, tu connais rien, puis tu veux rien connaître. T'es au monde, tu dois quand même élargir tes horizons avant de mourir, là. T'as pas grand temps. Je sais pas aujourd'hui comment ils ont analysé, là, ben, je te dis pas à 60 ans, tu deviens tranquillement Alzheimer, là, ça finit mal. Mais à quel moment, en moyenne, les gens vivent de toute leur lucidité? L'important, c'est la lucidité. Mais en même temps, Léo Ferré disait « Ma lucidité se tient dans mon froc ». Alors, aujourd'hui, le dimanche 12 août 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Et heureusement qu'au début d'émission, là, j'ai dit « j'ai rien à dire ». Ça ne fonctionnera pas, je ne sais pas, j'ai rien à dire. Puis je venais de faire une autre émission à CKRL en après-midi, en dimanche après-midi. Puis il me semble que ce soir, là, quand je vais me préparer au micro puis je vais vous dire bonjour, l'introduction ne sera pas très, très bien. Et je la trouve très intéressante à ma façon puis à la vision que je veux donner à mon émission aussi. Là. Je trouve ça vraiment... je ne vais pas vous m'envoyer des fleurs, là. Parce que je sais que, surtout si c'est des roses, il y a des petits bouts pointus. Hein? Hein? C'est la tige, on appelle quoi? On appelle ça des épines. Des épines. Pas Bob épines, des épines. Alors aujourd'hui, le dimanche 12 août, des 12 août partout, madame. Partout, partout, partout. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans son univers poétique, musical, elle a une voix sublime, elle est ravissante, incroyable. Je la connais depuis ses débuts dans la musique. CKRL l'a pris dans ses mains et l'a amené tranquillement sur les ondes. Et on l'entend depuis belle lurette, depuis 1974, ici à CKRL. Et je suis heureux enfin de l'avoir rencontré. Ça m'a pris 4 ans. Mais quand tu frappes aux portes, il ne faut pas abandonner. La preuve, je vous présente Lucide Beau Songe. Je suis l'oiseau aux ailes grises aux confins du mystère géant, aux ailes comme deux instants de vie, de mort, pas de surprise, oiseau déchiré des cultures qui voudrait embrasser l'azur et tombe avant que d'être grand aux confins du mystère géant. Je suis l'oiseau dont on déchire les ailes pour se les ajuster, que l'on achève sans frémir, sans honte et sans identité. Je suis l'oiseau aux ailes prises dans le filet des chasseurs de chimères, des chasseurs d'ombre et de lumière. Aux yeux d'une illusion soumise, je veux regarder la vie en face, ruser le point rouge de ses menaces, me brandir comme au premier cri et chasser la peur de mon nuit. Je suis je suis l'oiseau qu'on improvise, arraché au désert mutant. Je suis l'oiseau qu'on improvise, arraché au désert mutant. Je suis l'oiseau. Je suis l'oiseau, je suis l'oiseau dont on déchire les ailes pour se les ajuster, que l'on achève sans frémir, sans honte et sans identité. Je suis l'oiseau, je suis l'oiseau, je suis l'oiseau. Que l'on achève sans frémir, sans honte et sans identité. Je suis l'oiseau dont on déchire les ailes pour se les ajuster. Que l'on achève sans frémir, sans honte et sans identité. Oui, c'est pas le son. Mais oui. Alors je me lève quand même, je me lève. Hey, comment ça va? Moi, ça va très bien. C'est pas trop chaud? Ben ça va, je vois qu'on a un petit coin long. Ben si, c'est un peu chaud, mais bon, ben, c'est Paris. Trouvé, hein. Ouais, c'est... J'ai trouvé stratégiquement un endroit plus frais. Stratégiquement, j'ai trouvé un endroit plus frais. Oui. Mais ici. Parce que sinon, au soleil, là, il y a des... Ah oui, des, oui, non, il y a des... Et dedans, c'est pas mieux dedans? Pas plus frais. Oh. Il n'y a pas le bruit de la rue. Êtes-vous fumeuse? Es-tu fumeuse? Non. On se tutoie? Oui, oui, bien sûr. Ben moi, je suis bien ici, toi. Bon. Ça va. Non, mais il faut pas, je te le dis, que le soleil ne devrait pas se pointer. Non, mais c'est le bruit. Ah, oh, non, non, non, non, c'est bien ça. J'ai absolument oui? rien. Ah, oh, oui, oui, oui, oui. Ne t'en fais pas, c'est des micros magiques. Bon. Des micros magiques. Bon. Sinon. Je suis un peu à l'avance, donc voilà. Ben, il est 27. Ben oui. Bon, 3 minutes. Je veux précise. Ah oui? Je suis quelqu'un d'amitié. Ça se passe bien? Oui, ça ouais. va, ça va, ouais. C'est quand même assez spécial parce qu'il y a longtemps que je veux t'accueillir. Oui. Au même titre que Sappho, j'en ai ramé un coup pour en arriver ici avec toi grâce au micro de CKRL. En fait, tu es connu au Québec grâce à tes chansons, oui. Plus particulièrement en 89. C'est là qu'on t'a reconnu et connu et surtout qu'on t'a diffusé dans nos radios, donc notre radio. Qui est CKRL. Mais CKRL, c'est une très vieille radio, voilà, mais oui. que j'écoutais et voilà. avant d'être connue, parce que j'ai vécu à Québec. On va en venir. Dans les années 76. Exactement. Voilà. Donc, alors, qui est la première radio associative francophone au monde, elle est née en 74. Oui. Voilà. Oups, bonjour. Non, non, non. Voilà. Merci, au plaisir. Eh bien, on va prendre de l'eau, hein. Pétillante, l'eau pétillante. Moi, je vais prendre un jus de fraise. Okay. Un jus de fraise oui, existe, super, ça? Oui, très très bon aussi. Ah bon? Crémeux, extraordinaire. Ah oui? Ah oui. Ben, je vais tester alors un jus de fraise. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, c'est ça, en 89, on te diffusait à CKRL avant toutes les autres radios, avant CKIA qui commençait à naître. Et l'intérêt, c'est que tu avais une vision autre que ce que les autres proposaient dans la chanson. Tu avais une couleur, une vision de la poésie qui n'avait jamais été touchée avant. Et surtout, provenant d'une femme, ça vaut la peine de se rencontrer aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Donc, tu es née en France, à Rouen. Oui, à Roubaix. Mais tout le monde croit que je suis québécoise. À cause de l'accent? Ben, on dit ça aussi de Charlie Lécouture. Oui, mais quand je suis revenue du Québec, je parle l'allemand. OK. Non, mais c'est vrai, c'est bon. J'ai chanté dans le tout premier album que j'ai fait. J'avais gardé des expressions, je suis en crise. Mais c'est bon. Je disais plein de gros mots, en fait. Oui, ben, pour un Français, ça ne veut absolument rien dire. Absolument. Mais pour avoir l'air folklorique, ils l'utilisent quand ils viennent au Québec. Ah, d'accord. Ben, oui. Gainsbourg a fait... D'accord. Ouais, moi, j'ai vraiment... je ne suis pas allée au Québec comme artiste, c'est-à-dire j'étais d'abord comme personne. OK, comme touriste. Pas vraiment touriste parce que je suis quand même restée assez longtemps, mais j'étais vraiment... parce que j'avais une copine qui vivait à Québec, voilà, donc je l'avais rejointe, et j'étais vraiment plongée dans la vie québécoise, les bars le soir, tout ça, enfin j'étais vraiment... je baignais vraiment, j'ai bossé dans un petit resto, tout ça, enfin voilà, et j'avais 20 ans, quoi. Et avant tout ça, tu es née, comme on le disait, à Roubaix. Et en 72, oui. Tu as commencé un peu à vouloir te frayer un chemin dans l'écriture, dans la chanson. Ben, même bien avant, hein. J'ai commencé à écrire vraiment très jeune. Hein. Ma première chanson, j'ai écrit, j'avais 11 ans. Guitare-voix? Piano-voix. Piano-voix, oh! Je lançais déjà le piano-voix. Okay. Et puis ensuite, 72, parce que j'ai commencé à faire de la radio. Voilà, c'est des rencontres. Merci. En France, à quel endroit? C'était dans le Nord. Ah, OK. Voilà, et j'étais le petit génie de la chanson. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais une... Merci. Merci beaucoup. Tu faisais de l'animation ou tu chantais? Non, je chantais. Je chantais. Du direct? En oui, direct? Absolument. Ils doivent encore avoir des bandes. J'aimerais bien les récupérer un jour. Et tu fais des efforts pour vérifier si c'est encore là-bas sur place? Ben, pas vraiment, mais j'y pense. Mais je pense que je vais essayer là, quand je trouverai un peu de temps. C'est bon, hein? Ah oui, c'est très, très bien. Eh bien, voilà. Il s'est passé quelque chose dans ta vie qui, malheureusement, t'a freiné un accident épouvantable. Oui. Qui t'a peut-être, malheureusement, bloqué... avant d'anticiper une vraie carrière? Ben non, parce que ma carrière était quand même déjà bien commencée. Moi, je commençais avec Lettre à un rêveur. Ouais. En France, en 1981. Et j'étais vraiment au top. Je faisais absolument... Non, mais j'étais vraiment au top. J'ai fait tous les festivals. Et là, j'ai commencé... Et j'avais... je travaillais avec Ginette Bonneville. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Qui étaient des producteurs québécois, qui m'ont fait venir. J'ai fait une émission, mais je ne me souviens plus. La Radio-Canada. Ah oui, oui. Et puis la télé aussi, avec un monsieur qui boitait. Mais c'est... je ne me souviens pas de son nom. Un très bel homme, et il boitait un peu. Et il avait un prime time. Il avait une émission à 20h, le samedi. Jacques Fauteux. C'est possible. Un grand monsieur. En 80, oui. Ah, c'est ça, c'est Jacques Fauteux. Donc j'ai fait, j'étais venue faire toute la promotion. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi les Québécois étaient friands de ta musique, crois-tu? Est-ce que tu venais nous chercher à travers ce qui était encore jamais... ce qui a jamais encore été dit, jamais été parcouru? Parce que du côté masculin, il y en avait quelques-uns, mais... Jean, par exemple, quel chant on aurait pu... Qui, par exemple? À part Barbara dans Les Femmes, il n'y avait pas grand-chose qui était... Parce que toi, tu es auteur, compositrice, interprète. Donc, c'est quand même assez rare. À l'époque, c'était quand même assez rare. Oui, à l'époque, c'était rare. Et pourquoi tu as voulu faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? J'en ai toujours fait, depuis toute petite. Et... Tu as été encouragé par tes parents. Pas vraiment. Ah non? Eux, ils y sont venus après. Okay. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement volontaire. Mmh. Okay. Et quand je chantais déjà bien, ça on me le disait quand j'étais petite, j'avais 5 ans. Et tu chantais des chansons qui passent à la radio? Bah oui, parce qu'on écoutait beaucoup de musique. Voilà. Standard, ouais. Oui, parce qu'on écoutait beaucoup la radio aussi. Bon, moi je viens d'un milieu populaire, donc on écoutait la radio, les chanteurs populaires. Par contre, ce qu'on a eu, c'était qu'on est une des premières familles à avoir eu la télé dans les fin des années 50, ce qui était extrêmement rare. Les voisins venaient chez toi regarder la télévision? Non, parce qu'on était nous. Déjà nombreux, alors donc il n'y aurait plus de place dans parce le salon. Chez nous, à l'époque de la télévision, quand quelqu'un avait un poste, tout le monde avait les voisins. Mais c'est vrai que nous, on était 10 enfants chez moi. OK, ben déjà là, il n'y avait plus de place. Là, les places étaient prises, hein, les fauteuils étaient pleins, donc il n'y avait plus. Absolument. Et donc. Et toi, quand tu étais jeune, tu devais être une fille plus retirée, plus rêveuse? C'est-à-dire, non, parce que justement, Lucide Bosson, ça veut dire le rêve et la réalité. Ouais. Et donc, en fait, j'étais en même temps quelqu'un qui aspirait à autre chose. Donc, j'avais une part où j'étais réservée et une part où j'étais extravertie. OK. Donc, c'est la 5... procurer cette... Je pense que j'avais un dédoublement de personnalité. Ouais, ben oui. t'es du mois d'août, donc je croyais que t'étais gémeaux, non? Le mois d'août, c'est vierge. Non, moi, je serais plutôt du lion. Mm. C'est-à-dire, je serais plutôt du lion. Non, mais t'es vierge. Mais je suis de la vierge, et la vierge, elle contrôle beaucoup. Et moi, je suis du 27 août. Mm. Mon père, 31. et donc, là... Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui va bien aimer réfléchir. À quel moment donné tu as décidé de t'appeler Lucide Bonsonge et de forger Je crois quand j'ai pris conscience de la contradiction. C'est le côté lucide de toi. Non, mais je crois que c'est quand j'ai pris conscience. Bon, déjà, je voulais pas être sous mon nom, je voulais garder mon nom, mon patronyme. Et tu n'as jamais dévoilé ton véritable nom? En tout cas, quand on fait des recherches sur Internet, on n'y arrive pas. Bon, tant mieux. OK. C'est bien caché. C'est bien caché. Tu as des bons inspecteurs, des bons détectives. Okay. Et je crois qu'en même temps, il y avait un petit peu de... J'étais un peu dépitée de la nature humaine. Pourquoi? Parce que je pense que j'étais une idéaliste. Et qu'est-ce qui te répugnait à cette époque-là, dans les années 70? Parce que justement, j'étais quelqu'un donc, de volontaire, un peu sans limite. Tout était à faire? Pardon? Tout était à faire. Non, mais ce que je veux dire, moi, quand je veux quelque chose, je le fais. Nous irons au-delà, sachant ce qu'il nous en coûte. Nul n'aspire à cela s'il n'a pas connu le doute de vivre et de mourir. D'aimer et de souffrir doucement sans rien dire. Nous passerons les murs que la crainte nous projette et tairons les murmures qui condamnent nos fenêtres. Nous laisserons les signes de nos mains s'élever sans insigne, sans promesse ni destin. Au blanc bonheur, couché à l'heure du temps, au sein de la douleur, inscrit dans un ordre de peur, émettant pourtant tant d'ardeur à croire au discours des menteurs. Okay. Et... tu n'attends pas que ça arrive, voilà. Tu provoques les choses. Voilà, ah ouais. Parce que quelque part, je dis souvent, quand on me demande, quand je rencontre des gens, quand ils voulaient faire de la musique, etc. Et puis ils me disent, oui, mais tu comprends, mes parents... J'ai dit, moi, mes parents, ils ne s'occupaient pas de nous. Donc, ouais, j'ai développé... Non. Non, mais ce n'est pas un reproche. Donc, j'ai développé ma propre manière de penser, une certaine liberté d'être. Ah ouais. Voilà. Donc, mais je ne leur reproche pas du tout. Hein. Mais bien sûr, comme on était nombreux, il fallait, fallait un peu se débrouiller tout seul. Et donc, très tôt... mais nous, on a grandi avec... Enfin, moins chez mes frères et sœurs, mais la télévision a pris... C'était une révélation dans la fin des années 50, début des années... Bon, j'étais toute petite, hein, j'avais 5-6 ans. Mais c'était un monde... Un monde ouvert, c'est extraordinaire. C'était la belle période de la télévision. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est terminé. Là. Mais c'est rendu Internet. Mais avant, tout était à faire à la télévision. Et toi, quand tu voyais les chanteuses, c'est lesquelles qui t'attiraient le plus à l'époque? Ben moi, quand j'étais petite, j'aimais bien Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Ah oui, le duo. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Entre autres, mais beaucoup, beaucoup aussi les comédies musicales. J'adore les comédies musicales. Encore aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Oui, mais maintenant en France, on fait un peu de la comédie musicale, mais vraiment... la vraie des États-Unis, là. Oui, vraiment, on a l'impression que la vie est une comédie musicale. Ah, ouais, hein, qu'on est toujours en train de danser, de chanter, vrai, et tout ça. Et c'est tout à fait naturel. Hein. Voilà. On croit que dans la vraie vie, c'est comme exactement. Ça. Exactement. Quand t'es un enfant, tu commences, hein? C'est la tête d'un enfant. Ah oui, oui. Là, oui. Et Singing in the Rain, tous ces grands classiques des années 50. Ah ben, c'est merveilleux. Et je trouve que ça a tellement bien vieilli. Je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. D'être musicienne, d'être pianiste. Mais pourquoi le piano? C'est un instrument qui n'est pas si évident. Puis surtout, 10 ans après, ça coûte cher un piano. Ben non, mais Dieu était là et j'ai le prêtre, le curé du village, nous a donné un piano. C'était un curé généreux. À l'époque, il était généreux. Oui, c'était un gentil curé, un très gentil curé. Et qui était bon voilà, ma famille était assez proche et donc il nous a offert un piano. Et c'est toi qui t'es dirigé, qui t'as dirigé la première au piano? Absolument. Est-ce que tu voyais dans cet instrument-là quelque chose que tu connaissais déjà? Est-ce qu'il y avait comme oui. Oui. Parce que j'ai. Alors je me dis des fois, est-ce que je l'ai inventé, mais j'ai un souvenir. Que toute petite, j'étais allée chez une cousine qui avait un piano et j'ai vu une partition. Enfin, c'est un truc qui m'a laissé un souvenir que j'ai poursuivi toute ma vie. Okay. Tellement c'était merveilleux. Okay. Et je le poursuis encore aujourd'hui. C'est vraiment une flamme qui est arrivée. Et je pense que c'est ça qui a fait ça. Parce que c'était tellement fort en moi qui a fait que, bon, moi je viens d'une famille. Mais tu connaissais la partition, c'est ça que tu veux me dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est. C'était pas du chinois pour toi. La partition t'a parlé, même si tu connaissais pas les règles, tu savais. Ah oui, voilà, pour moi, ça avait un sens. Quoi. Ça se débrouillait, là. C'était pas comme un néophyte qui est devant une feuille de musique. Oui, pour toi, moi, tu comprenais il s'est passé un truc de beauté, une émotion merveilleuse. Ça transcendait. Et qui a fait que je pense que toute ma vie s'est construite là-dessus. Et t'as toujours couru après ce rêve-là, c'est pour ça que tu as étudié le piano, tu t'es... J'ai fait de la musique, voilà, très jeune, et j'ai continué, je suis retournée à l'école, et je continue de travailler, Et le piano, pour toi, c'est la liberté, beaucoup plus qu'une guitare, puisque la guitare, c'est quand même 6 cordes, tandis que le piano, c'est 88. Oui, mais c'est un autre esclavage. Oui. Parce que la guitare, bon, c'est une liberté. Tu la trimbales partout, hein. Voilà. En tournée, c'est facile. Voilà. Mais alors, le piano, c'est la sédentarisation. Ouais. Moi, je le dis toujours, si j'avais pas fait de piano, on saurait pas où je suis. Je serais en balade aux quatre coins du monde, parce que j'aime bien les voyages, j'aime bien les grands espaces. Alors, le Québec était là pour toi, les grands espaces, c'était le Québec. Ah oui. Mais, à un moment donné, ce qui t'a freiné dans ton grand succès, dans ton travail, c'est un accident qui est un point décisif dans ta vie. Ben, c'est-à-dire, je peux pas dire que ça m'a freiné. En tout cas, ça t'a arrêté quelque temps par... Ben non, parce que j'ai quand même repris, et c'est comme ça que j'ai fait l'album Où que tu ailles. Parce que l'album Où que tu ailles, c'est l'album hommage, où il y a deux chansons que j'ai écrites pour la personne qui est décédée dans l'accident, quand j'ai eu l'accident. Parce que j'ai eu, moi, l'accident J'ai encore des cicatrices et voilà. Mais j'étais aussi avec quelqu'un dans la voiture qui est voilà. Et c'était quelqu'un de proche avec qui je travaillais. Et donc. Quand vous partiez en tournée, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on était en balade et on avait une petite maison qu'on avait achetée et on était allé la voir et en revenant, il y a un type qui avait 2 grammes d'alcool dans le sang, qui nous a rentré dedans, mais moi j'ai aucun souvenir. Non. On me l'a dit, qui avait 2 grammes d'œufs dans le sang et qui a pris la route dans le mauvais sens, c'est-à-dire il était bourré, il est tombé dans le fossé, et quand il a voulu sortir, il a pris la route dans le mauvais sens, et nous on arrivait et... Alors ta vie a été bouleversée. Bah déjà, perdre quelqu'un, là on est vraiment confronté à la mort parce que ça a été la première fois où j'ai vraiment été confronté à la mort parce que bon, j'avais mes parents et tout ça. Après. La vie s'en est chargée malheureusement. Ah, maintenant, voilà, ouais. Mais ça c'est un peu tout le monde. Et puis, surtout, bon, moi j'étais aussi. Blessée. Bah oui. Donc j'ai eu un an de rééducation et puis bon mais j'ai eu du bol quoi. Avais-tu cette crainte-là de ne plus pouvoir toucher le piano après cette expérience? C'est ce que j'ai demandé. J'ai dit tout de suite, dès que je suis sortie du coma, et qu'on m'a dit que j'avais un bras cassé, j'ai dit je suis pianiste. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça risque de bien aller? Bah je ne sais plus trop. Okay. Non mais j'ai eu de la chance parce que j'avais un ami qui. Parce que je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que bon moi mes parents ils étaient loin. Moi j'étais à Paris mais mes parents ils étaient. Ouais, puis bon j'avais quand même. J'ai déjà une grande fille quand même. Donc. Quoique les parents c'est pour la vie. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, j'avais l'habitude de me débrouiller toute seule. Mais t'es chanteuse, tu l'avais. Mais là, j'avais un ami, que j'ai toujours d'ailleurs, qui lui s'est chargé de me faire rapatrier à Paris. Et j'ai été opérée par des amis à lui. Dans les meilleures conditions. Qui s'est chargé de faire venir un spécialiste pour mon bras, parce que mon bras était en miettes. Ils ont remis les petits bouts. Voilà. Je l'ai toujours d'ailleurs, des petits bouts. J'ai 3 cicatrices. Est-ce que tu fais de l'arthrose? Pas trop, parce que je fais du yoga. Je fais beaucoup d'exercices tous les jours. Des fois, ça peut arriver si le temps est vraiment dur ou si on se déshydrate. Tu sens la météo un peu avec ça. Mais de toute façon, bon, j'ai pas récupéré 100% du bras. Hein, de toute façon, mais bon, je fais toujours des exercices pour. Mais est-ce qu'on peut dire que cet événement-là était un tremplin pour toi? Tu t'es comme rendu compte que là, la vie t'a laissé une chance. Pas encore là. Ah non? C'est plus tard. C'est quand j'ai perdu mes parents là, j'ai vraiment compris. Oui, disons que j'étais en colère parce que. Pourquoi elle? Parce que j'avais pas. Non, oui, parce que j'avais pas les éléments pour gérer ça. Non, c'est plus tard. Ma relation à la vie a changé, c'est quand j'ai perdu mes parents. Donc là, j'ai dit bon ben. Donc s'arrête, on réfléchit. Après, c'est ton tour, donc tu vas vivre. Il faut pas trop se lamenter. Ouais. Faut profiter de la vie. On va en profiter, c'est ça? Voilà. Parce que, au contraire, non, mais disons, on occulte, hein, l'humain occulte un peu sa propre mort. Son manque de pérennité. Ben oui. La grande faucheuse va passer un jour. Voilà. Alors, je trouve que quand on réalise que ça va s'arrêter un jour, ou que ça peut, parce que je dis que bon. Disons que ça peut. Elle peut nous oublier. Là. Voilà, on ne sait jamais. On n'en nommera pas, mais il y a des chanteuses et des chanteurs qui ont peut-être été oubliés par. De toute façon, tant qu'on ne l'a pas vécu, les bouddhistes disent qu'on ne peut pas parler de la mort tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. Et ils n'ont pas tort. Okay. Ils n'ont pas tort. Et donc, disons que là, ça m'a fait avancer énormément. Ça t'a amené une réflexion sur ta propre vie à toi? C'est-à-dire qu'on devient un peu moins orgueilleux, un peu moins prétentieux, tout à coup. L'ego diminue un peu, l'ego. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'on on se sent petit, donc voilà, on est dans un rêve où. Tant que ça ne nous arrive pas, bon, voilà, on dit que ça n'existe pas. Mais quand ça se rapproche, et là on. Voilà, ça change la vision des choses et c'est très positif. Des mots qui me plaisent et surtout pas des mots d'amour, des mots qui me mettent mal à l'aise. Dites-moi des mots prohibés, mots interdits, des mots qui enfantent de l'instantané tragique de cet alphabet qui me hante, de mes émotions. Cachant le désir de la caresse, dites-moi des mots prohibés, mots interdits. Pas de mots qui mentent, tissés d'orgueil et d'ironie, qui rendent la tendresse absente. Et la souffrance est toujours reine en ce pays. Parlez-moi que j'ignore, de l'espoir qui s'endort dans un autre monde. Ooh, oh, oh, oh. Des mots qui me plaisent, de démesures, jamais ne se taisent, jamais pas jure. Des mots qui inventent, toujours traqués. Au début de ta carrière, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu raconter? Qu'est-ce qui te titillait et qui te faisait prendre le crayon et le piano? Pour la révolte. De ce qui se passe, de l'injustice? Oui, et puis bon, j'avais... l'injustice... C'est assez complexe et assez subtil, mais disons oui, la révolte. Déjà, bon, je commençais jeune aussi, donc j'avais la révolte de l'adolescence, le fait d'être incomprise par les parents. Moi, c'était la liberté ou la mort. Oh, anarchiste. Voilà. Donc c'est, d'abord je fais ce que je veux. La liberté aussi. Ah oui. Ah mais de toute façon pour moi c'est un, ça m'a coûté. Je suis vraiment d'une indépendance maladive. Encore aujourd'hui, de plus en plus. Mais maintenant c'est différent parce que, oui toujours, mais je le sais. C'est-à-dire que... Ok, avant ça, tu sais, moi... Mais non, mais parce qu'en fait, quand on est jeune, et même, c'est tout à fait humain, on ressent des choses, mais on ne sait pas toujours expliquer ce qui génère, ce qui met cet émotionnel en action. Tandis que là, j'ai... On n'a pas le décodeur, mais là, avec les années... On ressent des choses, mais on ne sait pas. Hein. Quelqu'un nous dit un truc, ça nous met en rogne, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Avec le temps, on commence à... Mais bon, moi, je me suis toujours intéressée à la psychologie, moi je fais du yoga depuis 20 ans, je me suis interrogée, parce que j'avais un environnement familial qui n'était pas facile. Lourd, très lourd. Oui. C'est pour ça que tu as voulu partir tôt. Ah oui. Pour pouvoir voler tes propres ailes. Absolument. Et c'est, quand tu as décidé de quitter, est-ce que tu avais comme objectif la musique? Toujours. Ah ben j'avais qu'elle. De toute façon, pour moi, la... c'est vraiment, d'ailleurs, ce matin, en partant, j'ai embrassé mon piano, en lui disant, oh, c'est une bonne journée, je reviens. Ouais, c'est ça. Non, mais donc, il y a comme un lien ouais, affectif. Ah oui. Parce que le piano, c'est ton premier instrument, c'est ton petit bébé. Ah oui, oui, le... puis je dis toujours, bon, parce que ça fait beaucoup d'années que je donne des cours aussi, et ce que je disais souvent à mes élèves, c'est « Ayez une passion et vous serez sauvés. » C'est bien ça. Parce que quand on a une passion... On a la flamme qui est là. Oui, et puis on peut traverser des crises. On a un vrai compagnon. Une passion, c'est vrai, un vrai compagnon. C'est vrai. Il n'y a pas de mots en trop, il n'y a pas de... Voilà, c'est... on joue, on chante, ou ça... On est concentré et ça lave. Bon, moi, la concentration aussi, les bénéfices de la concentration, on apprend ça aussi en yoga. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire apprendre vraiment à concentrer son mental. Parce qu'en fait, le mental, c'est le résidu d'essence, c'est-à-dire l'écoute, voilà, tout ce qu'on ressent. Et ça fait une espèce de grosse purée comme ça, et on ressent 50 milliards de trucs. Et on est hyper stimulé en fait, c'est une stimulation. Et en fait, il faut le calmer. Donc la méditation... Ça apaise. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on se met en position de méditation, c'est un truc très très simple qui se passe. C'est qu'en fait, le mental, le fait de ne plus faire de mouvement, lui, il petit à petit va se calmer, parce qu'il ne va pas être stimulé. Et en fait, au fond, c'est très simple. Le plus difficile, c'est de ne rien faire pendant 20 minutes. Et bon, souvent, les gens ont du mal. Voilà. C'est-à-dire ne rien... Ne pas stimuler ses sens. Aucune réflexion. Ne rien faire. Et c'est, rien faire, c'est quoi? Faire le blanc, faire le vide? Il n'y a rien à faire. On va aller, ça va passer comme ça. Hein. On dit de laisser passer les pensées comme des nuages. Mais ne pas agir. Parce qu'en fait, c'est le mental, l'essence, c'est que physique. C'est pas au niveau de l'intelligence, voilà. C'est pas au niveau de la réflexion. C'est vraiment le corps, c'est nerveux, quoi. Alors, quand tu es en yoga, les idées arrivent, mais tu les prends pas, tu les laisses passer. Laisse passer. C'est comme des nuages. Ce qui fait que dans la vie, après... Ah oui, quand il y a des événements, tu peux laisser passer. Voilà. C'est une très bonne. Moi, j'ai appris ça parce que j'étais une grande émotive. Mais pourquoi tu t'es adonnée au yoga? C'est parce que tu vivais... Parce que la vie humaine ne me satisfait absolument pas. Encore aujourd'hui? Qu'est-ce que... Oui. Mais comment ça? Bon, parce que c'est le bord. Ok. Et tu gères très mal le côté bordel. C'est pas que je... J'aime pas le bordel. Mais bordel, t'aimes pas le bordel. Bon, ok. Alors, t'aimes bien quand c'est clair, net et précis. Non, mais disons que... C'est parce que j'ai grandi dans le bordel. Ah oui. J'ai des parents extrêmement émotifs. Et ça partait tout le temps dans tous les sens. Oui, voilà. Mais alors, ce qu'il y a surtout, c'est que ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que quand ça fout le bordel, mais ça peut être dramatique. Oh oui. Donc. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans tes chansons au début, quand tu commençais au piano? On est tout excité, on a déjà du matériel. Là, des maisons de disques nous font des clins d'œil. RCA était là avec toi. Disons que. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, mais vas-y, va au bout. Excuse-moi, je t'ai coupé. De ton idée que je puisse répondre. Lance, vas-y, réplique. Non, mais c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours écrit depuis... j'aime l'art et j'ai besoin de l'art. Mais pas juste la chanson, l'art en général. J'aime l'art, voilà. J'aime l'art, mais... en effet, il n'y a pas que la chanson, parce que déjà, j'écris, je chante, bon, j'adore la musique classique, j'aime toutes les musiques. Tu es ouverte à tout, forme créative. J'aime la beauté, parce que l'art, c'est la beauté. J'aime la beauté et l'esthétisme, c'est comme un baume aussi, parce que ça aussi, ça fait appel au sens. Et de voir quelque chose de beau, ça apaise le mental. Oui. Voilà. Donc, par nature, je suis quelqu'un d'extrêmement... Je suis quand même quelqu'un de réactif, qui a beaucoup de volonté. De moins en moins avec le yoga ou... Je sais que je suis toujours la même personne, mais je la contrôle. Est-ce qu'on peut même dire un peu soupaulée ou pas du tout? Ah oui, je suis okay. Très susceptible. Ah oui, non, mais j'ai... Mais tu sais ce que tu veux, c'est pour ça. Oui. C'est pas parce que... Quand quelqu'un t'arrive avec quelque chose, puis c'est vraiment pas ce que tu voulais, là, tu peux piquer une crise. Oui, mais disons que maintenant, j'essaye de garder mon calme. Bon, je suis quand même quelqu'un de très calme. Mais disons que le yoga, ça va même encore beaucoup plus loin que de garder son calme. C'est vraiment une profondeur. C'est aller... Ouais. À l'intérieur de soi. C'est vraiment à l'intérieur, c'est presque à l'intérieur du monde, au cœur de l'univers. Ben, nous sommes l'univers, donc c'est... Voilà, moi je suis croyante, donc je suis très croyante. Chrétienne? Oui. Et encore ma question, qu'est-ce que tu voulais dire à l'époque, à travers tes chansons? Ben, c'est-à-dire... La révolte, Oui, bon, déjà que le monde qui était autour de moi ne me plaisait pas du tout. Que je trouvais que c'était injuste, parce que je voyais aussi des personnes vivre des choses que je trouve, dont elles disaient que c'était injuste. Donc j'étais très sensible au malheur des autres. Ah oui. Voilà, j'étais très sensible. Ah mais moi j'étais du genre à ramasser à quelqu'un, même j'étais jeune, hein, je devais avoir 13 ans. Si je voyais quelqu'un tomber dans la rue, je l'aurais ramassé. Des fois, je tombais sur un pochetron. Après, je me disais, bon, j'aurais peut-être dû le laisser. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Non, mais parce que des fois, il m'arrivait des galères comme ça. Ben, parce qu'ils croyaient que tu l'as charmé. Une fois, mais exactement. Ah, ouais, mais bon, j'étais gamine, mais je ne me rendais pas compte de ça. Ouais. Ouais, ouais. Et un jour, il y avait un monsieur qui était aveugle. Enfin, qui me paraissait aveugle. Ah, et, qui tripotait. Et qui, non, okay. Il ne m'a pas tripoté, mais... je le vois qui essaie de descendre des escaliers avec sa canne et moi j'ai voulu l'aider et du coup il m'a chopé comme ça. bon, en effet, peut-être qu'il s'est accroché à moi parce qu'il avait vraiment peur ou peut-être qu'il avait d'autres intentions. Donc il faut faire attention, faut pas être trop sensible quand on est jeune, c'est pas exact, bon. Mais là, encore là, la jeunesse, hein, il faut passer par plein de gammes d'émotions pour pouvoir grandir. Il faut se brûler pour aller plus loin. Même si on se fait dire « Ah, faut pas faire ça », on veut le faire pour vérifier si c'est vrai. Mais ça, oui, c'est con, mais c'est l'humain. Oui, c'est l'humain. C'est normal. Oui, exactement. C'est un processus normal. Sinon, moi, il y a une phrase que j'ai... Il y a un film que j'ai adoré qui s'appelle Interstellar avec... moi, je te connais ce film américain là, qui est assez récent, où la planète Terre va devenir... Ah, tu n'aimes pas ça? Non. Ah, tu n'aimes pas ça? Ah, non. Ah, tiens, c'est marrant. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on peut tellement dire les choses avec la réalité, la science-fiction, mais ça, pas du tout. Je ne sais pas... parce qu'on peut faire dire des choses qui... Je préfère les films de Romère, les films de Truffaut, Godard, Chabrol... Ah, d'accord. Ou les films de... ah, oui, d'accord. De Woody Allen, donc... ah, d'accord. Voilà. Mais non, mais je n'ai rien contre les gens qui aiment la science-fiction, là. Ben, c'est-à-dire, moi, ça m'intéresse l'univers, alors j'adore l'astrophysique, tout ça, ça me plaît, ça m'intéresse. Film, donc, Je suis venu vous dire bonsoir, vous faire mes adieux, mais sans faire d'histoire, vous faire don de ma façon de voir, vous serait-elle indifférente. J'en ai fini avec ces choses qui nous filent le doute et nous rendent moroses, nous conduisent tous à l'overdose. Un dernier shoot, une place vacante. quelques sous, pour des promesses de gloire, de puissance surtout. La planète saturée, beaucoup de rendez-vous. Faut-il se rendre avant que le bonheur vienne? Des grands amours. Moi, j'ai toujours senti beaucoup l'amour des Québécois pour la musique. Fais. Oui, parce que quand je, bon, ça, là, ça fait pas mal d'années que je suis pas. La dernière fois, dernier passage que j'ai fait à Montréal, c'était en 2001 pour la sortie de l'album Laissons passer l'amour. Et là, ça avait changé quand je suis arrivée, ça faisait 6 ans que je n'étais pas venue. Et ben, on m'a dit. Parce que je suis allée à Radio-Canada, qu'on passait mes chansons tous les jours. Mmh. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas venue. Est-ce que les Québécois avaient oublié? Non, justement. Ils ne m'oubliaient pas. Alors que ça faisait 6 ans que ouais. J'étais pas venue au Québec. Ouais. Et quand je suis arrivée, on m'a dit qu'on passait mes chansons tous les jours à Radio-Canada. Dans les radios associatives, il ne faut pas l'oublier, ouais, effectivement. Donc, je faisais vraiment partie de... Des meubles, comme on dit chez nous. Ah, ben oui. C'est une belle expression, faire partie des meubles. Ben oui, ben oui. Puis... Comment tu... C'est un geste d'amour quand on te dit que tu es diffusé et qu'on aime ce que tu fais au Québec. C'est énorme. Et as-tu créé au Québec, t'avais-tu une inspiration? Voulais-tu produire un album chez nous malgré l'hiver, malgré... J'aurais bien aimé, mais... Alors, tu n'as rien écrit au Québec? J'ai enregistré au Québec un album. Bon, voilà. Au studio Marco. Oui. Voilà. Avec Jean-Paul Dréau, mm-hmm. Et j'étais avec, je travaillais avec Yvan Beaurivage, qui s'était occupé de Marie-Carmen. Mm-hmm. Et donc je suis restée 2 mois là, 2 mois. Donc je squattais mon prod. Je dormais dans sa chambre, il dormait sur le canapé. Ben oui, ben oui. Il était super sympa avec ses artistes, vraiment. Mais donc, tu as écrit au Québec, tu as écrit des chansons à Québec, au Québec? Pas trop, plutôt... Ok, tu avais déjà des textes? Ah ben oui, okay. Quand je suis arrivée, on a enregistré... Tout était là, sous le bras. Et... Ah ben oui, il faut avant, parce que bon... Es-tu du genre à changer en studio des phrases, des mots, parce que ça sonne moins bien, ou t'es rigide? Oui, non, mais en général, tout est prêt avant. Ah oui? Puis il y a pas, ça peut pas être modifié? Si, ça peut être modifié, mais bon... Si, ça doit être modifié. C'est modifié, mais pas énormément. Parce que bon, je suis quand même une perfectionniste, donc... Sinon, ça finit plus, hein? Une fois que c'est couché sur papier... De toute façon, voilà, même là je parlais des chansons que je suis en train de faire là pour des artistes. Et ça me prend un temps, là, je tourne en rond, et à un moment, je dis, bon, bah, stop, quoi. Je l'enregistre, j'écoute, et je vois que tout passe. C'est bon. Il faut s'arrêter. Ah oui, oui, parce que sinon, à un moment, non, mais là, non. On devient fou. Oui, non, mais on ne sort jamais rien. C'est ça. Puis après, sinon, ça ne se passe que dans ta tête. Et à cette époque-là, quand tu as enregistré au Québec, à Montréal, qu'est-ce que tu voulais? Là, la crise était un peu terminée, donc la révolte intérieure était moindre. Donc, qu'est-ce que tu voulais libérer à travers tes mots, à travers ta musique? C'était un peu moins sombre? Oui, c'était moins sombre. Il faut le dire, c'est plus libérateur, c'est moins lourd quand on mettait un CD. Toute cette période où les chansons étaient assez noires, bon, moi, après avoir fait toute une analyse, j'ai dit c'est pas... Ah, t'as fait une psychanalyse ou... Non, une analyse. OK, OK. Une analyse où j'ai analysé. Ouais. Je suis quelqu'un qui analyse, okay. De toute façon, parce que j'ai fait le yoga. Avec le yoga, on apprend tout. C'est eux qui ont tout inventé, hein, les yogis. Tous les yogis, ils ont un journal. C'est eux qui ont inventé la psychothérapie. Hein. D'ailleurs, Jung, il s'est inspiré des philosophies orientales. Je sais plus... Là, tu parlais de la musique... Ce qui t'inspirait à l'époque, parce que tu avais sorti un album sombre et là je me suis rendu compte que c'était pas mon histoire que je racontais. Ça, sur l'album sombre que tu parles? Ben, je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Et donc, t'étais pas fière non plus? Non, mais t'étais pas fière non plus de cet album-là? Mais c'est pas une question de fierté, c'est une question de vie. C'est-à-dire entre ce qu'on a reçu. Et ce qu'on est en réalité. Alors, c'était jamais ce que... Donc, moi, je veux dire, j'avais grandi dans un certain milieu, j'avais une mère, bon, ça reste en... C'est pas des choses que j'aimais étaler qui étaient dépressives. Donc, c'était très, très difficile d'être heureux. Et moi, j'étais une petite fille heureuse. Ma mère me disait toujours, quand tu étais petite, tu souriais tout le temps. Donc moi, j'étais l'enfant qui souriait, pour qui... Je prenais la vie du bon côté malgré tout. Voilà. Mais c'était pas toujours bien vu. Mais l'album à Montréal, est-ce que ça marquait un changement, un virage où t'étais pas encore... Ça a été long de sortir de ça. Du marasme. C'est long de se transformer. Puis bon, je veux dire... C'est l'histoire d'une vie, là, Non, mais en plus... Il faut voir une chose, c'est que scientifiquement, des études ont été faites, qu'une personne, ils ont fait ça, le test, en suivant des gens pendant des années, on n'a pas la même personnalité à 15 ans. Ah ben non. Donc, si 20 ans après, je continue à raconter les mêmes trucs qu'avant, bon, c'est que j'ai un problème. Après, ça, c'est pas encore sorti cette femme. C'est surtout moi, histoire de... Non, mais c'est vrai, c'est... Oh, oui. Bon, parce que moi, justement, je veux dire... j'ai grandi dans un certain environnement, mais j'ai bien vu après que c'était spécifique. C'était pas ma vie. Moi, j'avais une vie qui était merveilleuse. Je faisais de la musique toute la journée. Je rencontrais plein de stars. J'ai rencontré tous les chanteurs que je rêvais de rencontrer. J'ai voyagé aux quatre coins du monde. Les gens adoraient ma musique. Je pouvais pas être triste. Il y avait un problème. Mais à quel... On peut pas être triste. Non. C'est pas possible. Ben, quelqu'un qui assume pas, quelqu'un qui... ou quelqu'un qui on interdit, d'être heureux parce que voilà. Ouais, mais là, à cet âge-là, à un moment donné, c'est toi qui te l'interdisais parce que tes parents t'auraient pu. Oui, mais bon, c'est cellulaire, comme le téléphone. Ouais. C'est-à-dire, c'est tout un. Ah ouais, le principe du yoga, c'est né nettoyer la mémoire cellulaire. Ouais. Hein, donc en fait, les cellules ont une mémoire et tout ce qu'on vit, on le garde en soi. Et en fait, ce que nous expliquait la prof de yoga, c'est que quand on avait un choc ou un traumatisme, on arrêtait de respirer et le traumatisme restait dans le corps. Et elle nous disait qu'en fait, après, ça se baladait. Et donc, on était réactivé. De là les cancers, de là tous les problèmes qu'on peut avoir suite à... Tout ce qu'on peut, voilà, suite à des émotions qui nous submergent, et des pratiques aussi qu'on peut avoir qui nous voient, de fumer, de boire, de... Bref. Et toi, tu fumes pas? Non. Tu fumais? Oui. J'ai arrêté... Parce que sur scène, à un moment donné... À 28 ans, j'ai arrêté. Ah, okay. OK. J'ai toujours dit que j'arrêterais de fumer avant 30 ans. Mais je suis quelqu'un de très volontaire. Mm. Mais est-ce qu'à un moment donné, tes chansons étaient vraiment avec ce que tu vivais? C'est-à-dire que tu étais une fille épanouie, heureuse, et à chaque fois tu me dis ben, mes chansons à un moment donné étaient sombres, trop sombres, mon album était... Oui. Puis à Montréal, bon, c'était pas vraiment abouti, t'as pas trop apprécié, c'était pas vraiment ce que tu voulais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as fait un album que tu chapeautes et que... Et que... C'est difficile. Oui, j'ai fait. Donc un album. C'est pas une question de ça. C'est que chaque album a une histoire. Ouais. Alors, c'est surtout l'histoire que raconte chaque disque. Parce que c'est très difficile ouais. de faire un album. Ouais. Ouais. C'est ça aussi. Et en plus, moi j'ai débuté dans les années 80. À l'époque, un album, ça coûtait une fortune. À l'époque, quand en plus on est un artiste sur lequel une maison de disques investit beaucoup d'argent, ouais. on a énormément d'obligations. La pression. Or, moi, le problème, si je peux dire qu'il y avait un problème, c'est que je voulais faire ce que je voulais. Ouais, mais c'était normal qu'eux ne le voient pas tout à fait. Parce que la maison, elle aussi, voulait ils payaient, c'était, ouais. bah, voilà, c'était ouais. normal. Ouais. Donc j'étais comme ça en lutte. Il a fallu que je comprenne aussi. Hein. Quand j'ai revu mon directeur artistique, Claude Brunet, qui était mon directeur artistique dans les années 80, et il me dit, il me voit, et ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas vus, il me dit, Lucide, il me reconnaît, comme ça, je me disais, moi, il va pas mentir. Lucide, comment tu vas aller? Il me dit, mais t'étais jamais contente. Ah ben voilà. Ben, je dis, oui, j'étais jeune, j'avais des problèmes d'amour. Oui, des problèmes d'amour de soi-même, d'amour des autres, on est... Voilà, c'est très difficile d'être un artiste libre et d'être... Indépendant. Voilà, plus pour une femme, c'est encore plus compliqué. Parce qu'un homme, il pond de la musique, tant qu'il ramène des sous au bercail, ça va. Mais la nana... Mais pourquoi tu fais ça? Il faudrait que tu fasses des enfants. Et pourquoi tu fais ça? Et c'est bizarre. Et c'est très difficile. Est-ce qu'il y a un album que tu revendiques aujourd'hui encore? Alors, il faudrait que je réfléchisse, que je revendique. Il y a un album, bah, l'album Pas dérangé, c'est un album que j'ai quand même coproduit. Je crie, je m'aime pas quand je pleure, je m'aime pas quand je crois plus au bonheur, quand je fais du doute une raison et du dégoût une autre raison, quand je distingue plus toutes les couleurs et que tout me paraît sans saveur, quand je vois du noir dans le fond de mes yeux, quand je me sens comme coupé. Toutes ces choses qui ont pas d'intérêt. d'importance. Quand je bois plus à ton arc-en-ciel et que je me dessèche au soleil, je m'aime pas et je sais pas si c'est normal ou quoi. Si c'est le blues qui s'en balance, accroché au fil du silence, je m'aime pas, je m'aime pas. Je sais pas si c'est moi. Quand je vois que je te fais du mal, je suis parfois loin de mon idéal. Si c'est le blues qui s'en balance, accroché au fil du silence, je m'aime pas, je m'aime pas. Je sais pas. Là-dedans, même au niveau monétaire, donc c'est pas juste la création. Non, c'est-à-dire, ben, de toute façon, pour que ton album te reçoive maître, il faut que tu le payes. Hein. Oui, oh, oui, aujourd'hui, oui, c'est ça. Ah non, mais même à l'époque. Oui. Et c'est les plus belles réussites, c'est les artistes qui se sont produits. Ouais. Mais quand on est en maison de disque, on doit juste la fermer. Mmh. Ah ben bien sûr, ça, le public ne se rend pas compte de ça. Et moi-même, je ne m'en rendais pas bien compte. Mais je l'ai appris avec la vie que bon bah c'est normal, c'est eux qui ont les sous, c'est eux qui décident. Donc j'étais beaucoup en brise-bise. Voilà, j'étais en conflit énormément parce que voilà, le rapport producteur-artiste est vraiment une relation vraiment très difficile. Alors c'est l'album que tu as coproduit que tu revendiques encore aujourd'hui? Non, parce que il y a plein de belles chansons dans l'album, par exemple. Oui, par exemple, il y a une chanson que j'adore. Il y a l'album Fugueur avec 84. Non, il y a de très bonnes chansons. Alors, par exemple, je peux raconter des anecdotes aussi. Ouais, parce, ouais. Que, parce qu'en fait, voilà. Parce que ma carrière, c'est aussi la carrière de mon histoire, de mon ego, etc. C'est que quand j'ai fait l'album Fugueur, il y avait une chanson dedans qui s'appelait Goût de vivre. Donc c'est un album pour l'instant que seuls les fans doivent avoir, puisque je crois qu'il n'a jamais été pressé en CD. Bon, enfin, on peut l'écouter sur YouTube. Et donc, on avait pris le parti avec l'équipe de musiciens avec qui je travaillais de ne pas du tout avoir une rythmique à la Phil Collins comme c'était la mode à l'époque, mais on avait batterie avec des congas, etc., un truc très soft. Et bien sûr, on me le reproche en me disant « Mais la batterie, mais on l'entend pas, mais ça va pas marcher !» Donc on m'a... La chanson 1984, il me récupère la chanson, il la passe à la moulinette, il m'avait tout enlevé. Non, mais c'était la bagarre. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple de dire je revendique l'album, il y avait toujours une bagarre derrière. D'autant plus des conflits à l'intérieur. Oui, parce que quelque part, il voulait avoir le dernier mot. Donc ça fait plein d'histoires, machin. Et donc, il y avait une chanson qui s'appelait Goût de vivre. Et Shadé apparaît avec son style, même style de rythmique que moi j'avais fait sur mon album. Et on m'appelle en me disant « Lucide, on voudrait sortir en single la chanson Goût de vivre parce que ça rassemble à Shadé. » J'étais mais folle de rage. J'ai dit « Mais n'en est pas question !» Je regrette aujourd'hui. Mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas le droit d'amener quelque chose. Je n'avais pas le droit d'amener de la créativité. Ouais. Moi, c'était au fond dans la musique. Ouais, mais Non, mais justement, si tu veux, sans enfoncer qui que ce soit, mais par rapport à la question que tu me poses, qu'est-ce que je voulais faire avec la musique? Mais je voulais créer. Donc, je voulais créer quelque chose qui soit un artiste et il a une vision des choses. Voilà. Donc, ça, c'était quand j'étais insupportable. Hein. d'ailleurs, quand Claude m'a dit mais tu n'étais jamais contente. Mais j'ai dit oui, j'étais jeune, j'étais conne. Aujourd'hui, ça a changé quand tu fais des chansons. T'es... Ah non, mais maintenant, je suis ma propre productrice. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Mais est-ce que tu es plus difficile comme c'est toi qui fais tout? Mais non, mais tant que c'est toi qui payes la bande, il n'y a pas de problème. Mmh. Le problème, c'est toujours une histoire de sous. C'est normal. Un producteur, s'il sort des sous, bah, il veut... Il va avoir un produit, c'est normal, oui. Bah, il veut se dire, il faut que mon produit, je le vende. Si je ne le vends pas, parce qu'elle a vendu des trucs que personne n'a jamais fait, peut-être ça ne marchera pas. Je le conçois tout à fait aujourd'hui. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, bah, je ne comprenais pas ça. Pourquoi ? Parce que, bon, peut-être parce que j'avais subi de l'autoritarisme et que je ne supportais pas l'autorité. Je ne supportais pas, voilà. Donc ça, c'est ce que, voilà, avec les années, ce qu'on comprend. Et donc, il me dit ça. Et mais aujourd'hui, mais je m'en veux. Et je me dis, mais qu'est-ce que... T'es conne ou quoi ? J'aurais dû dire, mais merci mon Dieu, finalement, j'avais raison. Donc malheureusement, là, voilà, ça c'est des conneries de jeunesse. Et aujourd'hui, que tu fais des albums seuls, avec toi-même comme directrice... Là, je fais surtout des choses pour les autres. Ok, alors tu défriches. Non, je fais des choses pour les autres parce que j'en avais marre d'être centrée sur moi-même et je voulais pas porter un album toute seule. Et c'est qui ces artistes-là? J'ai fait beaucoup de caritatifs. J'ai fait un single pour une association, pour plusieurs associations. Là, je viens de faire une chanson pour un film, Salaud de pauvre. Donc j'ai pensé aussi, peut-être je pourrais t'envoyer. Oui. Je suis en train de préparer. Alors il y a la version du film qui fait 6 minutes et demie. Donc c'est peut-être un peu long non, à passer en radio. Que je vais diffuser. Ah bon, d'accord. Ben oui, on est à 5h30. Bon. On n'a pas de standard, donc, on n'a pas une chanson de 3 minutes 30. D'accord. Donc alors. Parce que j'avais été prévu de faire une version plus courte. Ok, radio. Voilà. Bah oui, hein, parce que je ne veux pas monopoliser le truc. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de faire une pause. Et puis d'être beaucoup plus avec les gens parce que bon, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, puis comment on a des responsabilités, hein, on a la production. Puis je travaillais avec une personne qui était devenue assez malveillante et j'ai décidé d'arrêter de travailler avec elle. On était en 2007 et je me suis lancée, j'ai fait un opéra avec un librettiste, donc ça m'a pris plusieurs années. Et puis j'ai commencé à partir de 2010 à participer à des projets caritatifs. Ah, c'est bien. Voilà, et j'ai fait plein de trucs. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Je vais écrire là, donc, des chansons pour la musicale, chanteuse. Aussi. Pardon? Une comédie musicale. Là, voilà, là-dessus. Et la chanteuse que tu. Voilà, là, il y a la chanson du film. Là, on m'a demandé de faire la deuxième chanson du deuxième film. Donc voilà, j'ai pas mal de projets. Et bien sûr, mon objectif, c'est de toute façon l'album, de remonter sur scène. Et j'espère de ne. En 2018? Oui, il faut compter 18-19. Hein, et l'album va se terminer quand pour 2018 Là, je travaille dessus. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop, mais c'est dans les 2 ans. Et après ça, c'est une tournée. Peut-être reconquérir le Québec. Mais j'espère. C'est à souhaiter. Et je vais te dire, ça m'a fait plaisir quand tu m'as contacté, parce que j'y pense beaucoup au Québec. J'ai toujours une copine d'ailleurs qui s'appelle Lise Gadouri. De Québec, la ville de Québec qui est de Montréal, okay. Qui est fan. Et sur Facebook, elle me laisse toujours des messages, etc. Et alors, il y avait une anecdote qui est marrante. C'est que quand j'étais, mais c'était les années 90, j'étais en tournée. Et à un moment, j'étais avant de monter sur scène, il y avait plein de Québécois, du public, etc. Et je la vois qui arrive. Et je fais, ah Lise, c'est super, ça fait longtemps que t'es là. Et Lise, elle dit, ça fait 1 heure que je t'attends. Et il y a une Québécoise qui dit, nous autres, ça fait 400 ans. Oh, c'est bon, c'est bien, hein? C'est bien. On a le sens de la répartie. Est-ce que tu t'es mis à rire? Ah ben non, mais attends. T'as été figé dans... Non, mais je trouve ça... Mais moi, les Québécois, je les connais quand même bien, puisque je les ai pratiqués. Ah ouais. Donc, mais c'était marrant, quoi, ce... Comment c'est présent aussi, ben, que les Français, ils ont laissé tomber le Québec, et, c'est, et ouais. Voilà. Et c'était on ça, surtout. On s'est pris en main. Oh bon, donc oui. Est... Et en plus, bon, moi j'étais au Québec dans les années 60, j'étais en 76, la première année où je suis allée. Et là, c'était encore le Québec, oh, là, oui. Mais ce qu'est devenu le Québec aujourd'hui. En fait, on travaillait pour la libération du Québec en 76 oui. Avec René Lévesque, voilà, qui était là, absolument. Et le Québec libre anciennement. Mais pour nous, les Français qui arrivaient comme ça au Québec, on tombait des nues. Hein. C'était un coup. Moi, une claque en plein... Moi, c'est... J'ai appris à connaître les Québécois, parce que... D'abord, je pensais que j'étais français comme moi, c'est-à-dire... Ben non, c'est... Enfin, je veux dire, c'est des Québécois, mais... c'est pas des Français. Puis... Et nous, on arrive un peu avec notre gueule enfarinée, en disant... mais alors, oui, mais c'est bizarre, d'où il vient votre accent? Et ça, il y en a un qui me dit, mais c'est vous autres qui avez l'accent. Exact. L'accent. En terminant, c'est nous qui avons le véritable français oui, de oui, l'époque. Tout à fait, tout c'est tout vous fait. Qui avez endimanché, ben nous, non, accentué une langue qui n'existait pas, une prononciation qui n'existait pas. Nous, à l'origine, les Français parlaient les pommes, comme nous. Oui. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais bon. Et... Merci d'être passé à mon émission. Comment ça marche alors ton émission? Tu enregistres? Ben oui, c'est déjà terminé. Ah d'accord, t'as tout enregistré là? Ben oui. Et qu'est-ce que tu croyais? Non mais je sais pas, je disais tiens, il note rien, il va oublier tout ce mais que j'ai dit. Non, non, c'est enregistré, j'ai une émission de radio, c'est KRL, elle est la première radio. Et donc radio tu vas refaire un montage? Ou... Ben en fait, le montage réside uniquement dans les brides de 10 minutes que je place à travers tes chansons. Ah d'accord. Et comme on a parlé avec beaucoup de véhémence et abondamment... Tu crois que ça va aller? Ben ça va aller, on va faire deux émissions avec tes chansons, avec ce que l'on a amené comme propos, avec ta vie, ton œuvre. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est de rencontrer. Moi, je m'en vais. Mes dernières rencontres, c'est demain, samedi. Oui. Je m'en vais dimanche. Une fois que je serai dans l'avion, je vais commencer à classer un peu l'horaire, à essayer de trouver en briquet. Normalement, je suis l'actualité, mais comme toi, ton album va sortir peut-être en 18-19, 2018-19, oui. Je vais sans doute te proposer ça en 2018, en début d'année 2018. D'accord. Et tu vas avoir des liens, je t'envoie l'enregistrement original, tu en fais ce que tu veux. Très si bien. T'as un site officiel, je l'ai remarqué. Un site, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, si tu veux placer ça dans, je sais pas, dans bonus D'accord, d'accord. Tu vas avoir les coordonnées, je te laisse les recours à ce que tu veux bien en faire. Et tu me laisses un mois et demi pour tout classer ça. Oui, bah couper. On se tient au courant. Ça, exactement, on se tient sur Facebook, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et j'ai attendu 3 ans avant de te rencontrer, ça faut que j'ai attendu 2 ans et demi. Et comment ça se fait que tu as attendu 3 ans? C'est parce que la dernière fois, ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de retour. Peut-être que ça tombait dans ta corbeille. C'est bizarre c'est ce que tu m'avais dit. On me l'a déjà dit d'ailleurs. Ouais. Même pour le film, c'est pareil. Le producteur, il m'a dit, mais ça fait super longtemps que j'essaie de te joindre. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je suis sur Facebook, mais le Messenger n'était pas activé. Ok. Alors, donc c'est possible que les messages, je les ai pas eus. Mais j'ai peut-être pas fait gaffe. Peu importe aussi. On va prendre des photos quand même. Ben oui, tu le sais. Hein. De mémoire, mon lit. c'était comme un tombeau où j'enterrais toutes mes histoires. Je faisais du rêve ma nourriture, de l'imaginaire mon écriture. Je trempais ma plume dans mon cafard. Je tournais en rond dans mon silence. J'avais le goût de l'impatience, l'obsession de l'indépendance. Pour me mettre à l'abri des regards, je portais une paire de lunettes noires. C'était mes paupières de la ville. Je vivais dans une obscurité. C'était comme une cécité. C'était mon écran invisible. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.